Pour renforcer une affirmation, pour insister dans le présent, on peut aussi dire « I do see it ». I do see it. Yes, I do see it. Ça veut dire « Oui, en effet, je le vois vraiment ». Ça sert à accentuer le présent. Dans les autres cas, « do » est le signal de la négation et de l'interrogation. Alors, comment dit-on « je le trouve très intéressant » ? I find it very interesting. No. Interesting. Interesting. Yes, I find it very interesting. Si vous voulez dire vraiment, je le trouve, en effet, je le trouve très intéressant. I do find it very interesting. Yes, I do find it very interesting. C'est la même chose pour le passé. On peut aussi employer le signal « did » pour accentuer le sens positif. Par exemple, « je l'ai trouvé normalement »,« je l'ai trouvé très intéressant ». « I found ». « Yes, I found it very interesting ». Mais pour dire « en effet, je l'ai trouvé très intéressant », I did found ». Ici, on emploie le signal « Ah, I did find. Yes, le verbe qui suit est toujours à l'infinitif sans le to. I did find it very interesting. Mm-hmm. Comprendre? To understand. To understand. Je le comprends. I understand it. I understand it. Vraiment, je le comprends. I do understand it. I do understand it. Do sert à accentuer. Alors, comment dit-on? J'ai compris. I understood. Bravo. I understood. Et pour accentuer, j'ai vraiment compris. I did understand. I did understand. Yes. En parlant, on peut aussi parfois employer des do it pour éviter les formes irrégulières du passé d'un verbe. Ça facilite alors beaucoup les choses. Il suffit de dire « I did » suivi de l'infinitif. Si « I understood » ne vient pas tout de suite à l'esprit dans une conversation, on peut dire alors « I did understand ». C'est un peu plus fort, mais ça peut vous aider à vous exprimer clairement. Alors, comment dit-on « je l'ai vu » ? I see it, non, I saw it. I saw it, yes. Mais autrement ? I did see it. I did see it, yes. Entendre se dit to hear. To hear. H-E-A-R. Et le passé se dit heard. Heard. Ça s'écrit comme l'infinitif, mais avec un D à la fin. Et ça se prononce heard. Heard s'écrit donc H-E-A-R-D. Le participe passé est également heard. Alors, je l'ai entendu. I heard it. I heard it. Je le fais. I do it. I do it. Ou bien. I am. I'm doing it. I am doing it. Je le fais depuis longtemps. Je le fais depuis longtemps. Là, il faut faire attention car il y a le mot « depuis ». Ça fait longtemps que je le fais. Il y a longtemps que je le fais. Je le fais depuis longtemps se dit toujours I have. I have been. Avec ing. Doing it. Right. I have been doing it signifie je le fais, n'est-ce pas? Je le fais depuis peu de temps. Comment dit-on? Je le fais depuis longtemps. I have been doing it for. A long time. For a long time. Yes, I have been doing it for a long time.